en français dans le texte. Bonjour et bienvenue sur les 91 et 102.5 MHz de Sorgi FM. Nous sommes ensemble pour une heure et c'est en français dans le texte. Nous avons débuté la dernière émission par le tango funèbre de Jacques Brel, repris par Alain Bashung. Une version discutable, j'en conviens, plus parlée que chantée, et parlée sans trop d'articulation du reste. Bref, une version qui a chagriné certains, mais qui avait toutefois le mérite d'être personnelle et non pas une pâle, forcément pâle, copie du maître. Pour rendre à César ce qui appartient à Jacques Brel, je vous propose d'écouter la version originelle du tango funèbre par son créateur en 1966. Je les vois déjà me couvrant de baisers et s'arrachant mes mains et demandant tout bas. Est-ce que la mort s'en vient? Est-ce que la mort s'en va? Est-ce qu'il est encore chaud? Est-ce qu'il est déjà froid? Ils ouvrent mes armoires, ils tâtent mes faïences, ils fouillent mes tiroirs, se régalant d'avance de mes lettres d'amour, enrubannées par deux, qu'ils liront près du feu, en riant aux éclats. Ah, je les vois déjà, compassés et frileux, suivant comme des artistes mon costume de bois. Ils se poussent du cœur pour être le plus triste, il se pousse du bras pour être le premier. Ont amené des vieilles qui ne me connaissaient plus, ont amené des enfants qui ne me connaissaient pas, pensent au prix des fleurs et trouvent indécent de ne pas mourir au printemps quand on aime le lilas. Ah, je les vois déjà, tous mes chers faux amis, souriant sous le poids du devoir accompli. Ah, je te vois déjà, trop triste, trop à l'aise, protégeant sous le drap tes larmes lyonnaises. Tu ne sais même pas, sortant de mon cimetière, que tu entres en ton enfer quand s'accroche à ton bras le bras de ton quelconque, le bras de ton dernier, qui te fera pleurer bien autrement que moi. Ah, je me vois déjà m'installant à jamais, bien au triste, bien au froid, dans mon champ d'osselet. Ah, je me vois déjà, je me vois tout au bout de ce voyage-là, d'où l'on revient de tout. Je vois déjà tout ça, et l'on a le brave culot d'oser me demander de ne plus boire que de l'eau, de ne plus trousser les filles, de mettre de l'argent de côté, d'aimer le filet de maquereau et de crier vive le roi. Pourquoi faire une reprise? Voilà la question que devraient se poser certains artistes avant de nous imposer leur choix. La première raison qui vient à l'esprit, ce n'est pas de faire de l'argent avec une chanson déjà connue, ça ne devrait pas, en tout cas, être cela, mais davantage cette idée de rendre hommage à un artiste qui vous a influencé et peut-être même donné envie de faire ce métier. Ainsi, les Ogres de Barbac ont-ils eu cette intention quand ils ont repris à l'identique une chanson de Pierre Perret? Or, faire une reprise à l'identique comporte bien des écueils. Je les laisse nous les expliquer. Alors cette chanson, c'est assez marrant parce qu'en fait, on l'a joué pas mal de temps. C'est une chanson d'un vieux bonhomme. Et souvent, donc nous, on l'a chanté, on disait pas de qui c'était. Et à la fin du concert, on venait souvent nous voir dire « Oh, celle que j'ai préférée de tous vos morceaux, c'est Au Café du Canal. » Et nous, on disait « Ouais, mais c'est la seule qui est pas de nous. » C'est de Pierre Perret. Et les gens disaient, pour se rattraper, « Oui, oui, mais en tout cas, votre arrangement est super. » On fait « Oui, mais on a repris l'arrangement de Pierre Perret. » Voilà. Donc à la fin, ils disaient « Bah, c'était très bien. Bon, au revoir. » Voilà. Donc, Au Café du Canal. J'ai la jolie Rosette au café du canal, sous le trou du tilleul qui ombrageait le bal.

par les rues nous irons. Un hommage donc. Quand celui-ci peut se doubler d'une surprise, c'est encore mieux. Ainsi, en pleine cérémonie officielle du Festival de Cannes 1995, alors que Jeanne Moreau préside le jury, Vanessa Paradis monte sur scène et débute le tourbillon, sans avoir prévenu la créatrice de la chanson culte du film Juliette Jim de François Truffaut. Une Jeanne Moreau qui, après un petit temps d'adaptation, le temps nécessaire pour évacuer l'émotion sans doute, va entonner la chanson avec Vanessa. Retour donc sur cet événement mythique, où on passe de le devenir. Ici tout le monde est là. Elle avait des yeux d'opale qui fascinaient. Il y avait l'ovale et son visage pâle. De femme fatale qui me fut fatale. De femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus. On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je n'ai rien ce soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail. Ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait tout oublier le temps. Je me suis réveillée en chantant, des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la nuit. Je l'ai vu un soir, la la, elle est retombée dans mes bras. Il avait commencé à lire le roman quelques jours auparavant. Il l'abandonna à cause d'affaires urgentes et l'ouvrit de nouveau dans le train, en retournant à sa propriété. Il se laissait lentement intéresser par l'intrigue et le caractère des personnages. Ce soir-là, après avoir écrit une lettre à son fondé de pouvoir et discuté avec l'intendant une question de métayage, il reprit sa lecture dans la tranquillité du studio, d'où la vue s'étendait sur le parc planté de chênes. Installé dans son fauteuil favori, le dos à la porte pour ne pas être gêné par une irritante possibilité de dérangement divers, il laissait sa main gauche caresser de temps en temps le velours vert. Il se mit à lire les derniers chapitres. Sa mémoire retenait sans effort les noms et l'apparence des héros. L'illusion romanesque le prit presque aussitôt. Il jouissait du plaisir presque pervers de s'éloigner petit à petit, ligne après ligne, de ce qui l'entourait, tout en demeurant conscient que sa tête reposait commodément sur le velours du dossier élevé, que les cigarettes restaient à portée de sa main et qu'au-delà des grandes fenêtres, le souffle du crépuscule semblait danser sous les chaînes. Phrase après phrase, absorbé par la sordide alternative où se débattaient les protagonistes, il se laissait prendre aux images qui s'organisaient et acquéraient progressivement couleur et vie. Il fut ainsi témoin de la dernière rencontre dans la cabane parmi la broussaille. La femme entra la première, méfiante. Puis vint l'homme, le visage griffé par les épines d'une branche. Admirablement, elle étanchait de ses baisers le sang des égratignures. Lui se dérobait aux caresses. Il n'était pas venu pour répéter le cérémonial d'une passion clandestine protégée par un monde de feuilles sèches et de sentiers furtifs. Le poignard devenait tiède au contact de sa poitrine. Dessous, au rythme du cœur, battait la liberté convoitée. Un dialogue haletant se déroulait au long des pages comme un fleuve de reptiles, et l'on sentait que tout était décidé depuis toujours, jusqu'à ces caresses qui enveloppaient le corps de l'amant comme pour le retenir et le dissuader, dessinaient abominablement les contours de l'autre corps qu'il était nécessaire d'abattre. Rien n'avait été oublié, alibi, hasard, erreur possible. À partir de cette heure, chaque instant avait son usage minutieusement calculé. La double et implacable répétition était à peine interrompue le temps qu'une main frôle une joue. Il commençait à faire nuit. Sans se regarder, étroitement liés à la tâche qui les attendait, ils se séparèrent à la porte de la cabane. Elle devait suivre le sentier qui allait vers le nord. Sur le sentier opposé, il se retourna un instant pour la voir courir, les cheveux dénoués. À son tour, il se mit à courir, se courbant sous les arbres et les haies. À la fin, il distingua dans la brume mauve du crépuscule l'allée qui conduisait à la maison. Les chiens ne devaient pas aboyer, et ils n'aboyèrent pas. À cette heure, l'intendant ne devait pas se trouver là, et il n'était pas là. Il monta les trois marches du perron et entra. À travers le sang qui bourdonnait dans ses oreilles, lui parvenaient encore les paroles de la femme. D'abord une salle bleue, puis un corridor, puis un escalier avec un tapis. En haut, deux portes. Personne dans la première pièce, personne dans la seconde. La porte du salon, et alors, le poignard en main, les lumières des grandes baies, le dossier élevé du fauteuil de velours vert, et, dépassant le fauteuil, la tête de l'homme en train de lire un roman. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami. Reprendre une chanson peut aussi se faire avec une intention de parodie. Ainsi, imaginerait-on pouvoir reprendre Schubert de nos jours ? Avec un orchestre, certes, mais dans ce cas-là, on ne reprend pas, on interprète, en se fiant aux indications du compositeur pour restituer l'âme de son œuvre. Quand les frères Jacques, groupe de chanteurs burlesques qui se présentaient sur scène en collant bariolé, quand les frères Jacques, donc, adaptent Schubert, c'est pour rire, en imaginant une histoire liée à l'une des œuvres les plus célèbres du compositeur autrichien. On écoute donc la truite de Schubert par les frères Jacques. Sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère, et elle nous jouait la truite de Schubert. Un soir de grand orage, elle dut coucher à la maison. Or, malgré son jeune âge, elle avait l'obstination. Et pendant 3 heures de suite, au milieu des éclairs, elle nous a joué la truite de Schubert. On lui donna ma chambre, moi je couchais dans le salon, mais je crus bien comprendre que ça ne serait pas long. En effet, elle revint bien vite, pieds nus dans les courants d'air, pour me jouer la truite de Schubert. Ce fut un beau solfège, pizzicati coquin, accord trémolo, osé, arpège, fantaisie à quatre mains. Mais à l'instant où tout s'agite, sous l'ardent aiguillon de la chair, elle fredonnait la truite de Schubert. Elle fredonnait la truite de Schubert. Je lui dis, Gabriel, enfin, comprenez mon émoi, il faut être fidèle, ce sera Schubert ou moi. C'est alors que je compris bien vite, en lisant dans ses yeux pervers, qu'elle me réclamait la suite du concert. 6 mois après l'orage, nous fûmes dans une situation tel que le mariage était la seule solution. Mais avec un air insolite, au lieu de dire oui au maire, elle lui a chanté de Schubert. C'est fou ce que nous fîmes contre cette obsession. On mit Gabriel au régime, on lui supprime, le poisson, mais par une soirée maudite, dans le vent, l'orage et les éclairs. Oh, elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. Elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. À présent, je vis seul, tout seul dans ma demeure. Gabriel est parti et n'a plus sa raison. Dans sa chambre, au Touquet, elle reste des heures. Devant un grand bocal où frétille un poisson. Et moi, j'ai dit à Marguerite, qui est ma vieille cuisinière, ne me servez plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire. Jeudi de 17h30 à 18h30 et les mercredis de 10h à 11h, vous avez rendez-vous avec Bertrand sur les 91 et les 102.5 MHz de Sorja FM pour 1 heure de chansons françaises et c'est en français dans les textes. De Brel à Aznavour, de Brassens à Moustaki, Régénie, de Ferré à Gainsbourg, Barbara à Juliette et à la nouvelle chanson française, retrouvez l'histoire de la chanson française à travers les titres, paroles et musique, mais aussi des anecdotes sur la réalisation des chansons. Alors, n'oubliez pas, en français dans les textes, c'est les jeudis de 17h30 à 18h30 et les mercredis de 10h à 11h sur Sorgea FM.

est Le Bonheur, la chanson qu'il a révélée. On l'écoute. Qui incite des chanteurs à reprendre des titres d'autres, on l'a vu, c'est peut-être l'intérêt financier, l'hommage ou la parodie. Une autre raison qui avait cours dans les années 50 et 60, c'était de faire connaître un artiste dans lequel on avait foi. Ainsi, ce n'est pas l'inconnu qui reprend un tube pour devenir une vedette, mais le chanteur confirmé qui joint à son répertoire une ou plusieurs chansons d'un artiste qu'il estime méconnu à tort. Exemple avec Patachou, qui va aider à lancer la carrière de Georges Brassens en 1952 en incluant les amoureux des bancs publics dans son récital. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, banc public, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, banc public, banc public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Il se voit déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé.

a fait l'amour avec la terre et fait fleurir les oripeaux. Le sang est couleur du drapeau au royaume de France. Et plus on viole la Sorbonne, plus Truchot ressemble à Charonne, plus Beaujon ressemble à Dachau. Et moins nous courberons le dos au royaume de France. Perché sur une barricade, l'oiseau chantait sous les grenades. Son chant de folie était beau et fou, les enfants de Rimbaud, royaume de France. La branche a cru dompter ses feuilles, mais elle emportera le deuil et l'emportera au tombeau. L'automne fera pas de cadeau, royaume de France. Vous entendrez parler de lui, on vous dira dans le pays qu'il était cela ou ceci. N'en croyez rien, on vous dira peut-être encore que la nuit il couchait dehors ou bien qu'il était cousu d'or. N'en croyez rien, certains diront qu'il était blond, d'autres plus noir que le charbon. On vous dira du bien, du mal, ça m'est égal. Vous entendrez parler de lui, on dira qu'il semblait sorti des contes des mille et une nuits ou d'une prison. On l'a pris pour le fils d'un roi, on l'a pris pour un je ne sais quoi, et même pour les deux à la fois. Qui a raison? Ils en ont dit tellement, dit qu'un jour il dut quitter le pays. Il a disparu dans la nuit, évanoui. C'est un lundi, je m'en souviens, juste avant le petit matin, nous avons dénoué nos mains du canal. Vous entendrez parler de lui, puis il tombera dans l'oubli. On oublie tout, pourquoi pas lui, ce serait normal. Mais que pourront-ils vous en dire, ceux qui ne l'ont pas vu partir? Il a essayé de sourire, et ce sourire, et ce sourire, parler de lui, vous entendrez parler de lui, vous entendrez parler de lui. Ça m'est égal. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous jeudi de 17h30 à 18h30 et mercredi de 10 à 11h sur les 91 et 102.5 MHz de Sorgue FM pour une nouvelle émission de En français dans le texte. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable semaine à l'écoute de Sorgue FM, évidemment. Au revoir. Post-scriptum, lors de cette émission, vous avez pu entendre les chansons suivantes. Le tango funèbre de et par Jacques Brel. Au café du canal de Pierre Perret par les Ogres de Barbac. Un jour tu verras de Van Paris et Mouloudji par Mouloudji. Le tourbillon de Cyrus Bassiac par Vanessa Paradis. Les marionnettes de et par Christophe. Le complexe de la truite de Schubert et Francis Blanche par les frères Jacques. Hors saison de et par Francis Cabrel. Le bonheur de Berry et Manou par Berry. Les amoureux des bancs publics de Brassens par Patachou. Les oiseaux de passage de Richepin et Brassens par Renaud. Page d'écriture de Prévert et Cosma par Yves Montand. Le temps des cerises de Clément et Renard par Noir Désir. Je t'en remets au vent de et par Hubert-Félix Stéphen. Mai 68 de et par Jean-Michel Kéradec. Vous entendrez parler de lui de Moustaki par Barbara et La valse d'Amélie de Yann Tiersen. Ainsi que la lecture d'une nouvelle de Cortazar, Continuité des parcs, et la lecture d'un poème de Prévert intitulé Chanson des escargots qui vont à l'enterrement. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine et qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presque s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. Belle compagne de voyage, dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre, mais qu'on laisse pourtant descendre, sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui, vivant des heures grises, près d'un être trop différent, vous ont inutile folie laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on pense avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Thank you. Alors au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir. On pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.